Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. L'amour, l'amour, toujours l'amour. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ferait sans amour? Eh bien, on va en parler de l'amour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va fêter à notre manière la Saint-Valentin. On va en profiter. Arlette nous parlera de la Saint-Valentin et des belles chansons. Et puis l'accordéon sera toujours représenté par Christophe Pesset. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va commencer avec une chanson qui s'intitule tout simplement « Chanson d'amour ». On en aura juste un extrait parce que Christophe est pressé de nous parler, lui, d'accordéon, mais pas d'amour. Hein. Dansez maintenant. Sorgia FM. Eh oui, je vous l'ai dit, Christophe Pesset est pressé de parler d'accordéon, alors on va le laisser entrer. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hubert. Alors cette semaine, eh bien, je vous propose de parler de Ludovic Beyer, magnifique accordéoniste, quel talent. Il est né en 1978, musicien de jazz mais pas que. Je vous propose de faire le tour d'un album qui s'appelle Le Bal en fête, bien sûr du Musette. Et pour commencer, eh bien, passe au double, I Me Sombrero. On y va, Ludovic Beyer. We'll be right back. c'était Ludovic Beyer. Ludovic, également démonstrateur pour les accordéons Roland, vous savez, les accordéons numériques. Alors, les accordéons numériques, eh bien, c'est des accordéons avec lesquels, eh bien, on peut jouer du piano, de la guitare électrique, et on peut également s'accompagner, faire la batterie, et ainsi de suite. On va tout de suite l'écouter dans une très belle valse, un grand succès de Louis Ledrich, qui s'appelle « Un petit peu d'argent ». Ludovic Beyer, un grand succès du Musette, mais il faut savoir, c'est que quand même Ludovic, grand musicien, comme je vous le disais, de jazz, aujourd'hui il tourne avec eh bien, un trio et un quartet, et je peux vous dire que ça déménage. On va tout de suite l'écouter dans un tango qui s'appelle le Tango des Anges, d'ailleurs c'est une composition de Ludovic Beyer. On écoute le Tango des Anges. Thank you. Sorgia. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Elle est là, elle est toujours en forme, la voici, la voilà, elle s'appelle Arlette. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette. Si tu savais Hubert, comme j'aime le mois de février. Ah bon, pourquoi ? Eh bien parce que c'est le mois des amoureux. Ah oui. C'est en février que l'on fête la Saint-Valentin. Et évidemment. Et qui de mieux pour nous parler de la Saint-Valentin que Tino Rossi ? Ah oui. Avec une chanson intitulée « Tous les amoureux du monde », écrite par Pierre Dudan et Audy Quentin. En 1979, à tous les amoureux du monde, Tino Rossi. Tous les amoureux du monde, fêtent la Saint-Valentin. Ça fait une vaste ronde, du plus proche au plus lointain. Qu'elle soit brune ou qu'elle soit blonde, qu'il soit roux, qu'il soit châtain. Avec leur bouquet de fleurs, avec leur bouche en cœur, le bonheur les inonde. Un bonheur enfantin, en février atteint la Saint-Valentin. En croit les sondages faits à la Saint-Valentin. L'amour a tous les suffrages, tout le monde en est certain. Que l'amour n'a pas d'âge, jamais l'amour ne s'éteint. Il a force de loi, plus de pouvoir qu'un roi. Il a tous les courages, il force le destin, qu'en février atteint la Saint-Valentin. Souriez, souriez, en plein cœur de février. Chantez, chantez, il est temps que revienne le printemps. Les amoureux du monde aiment la Saint-Valentin. Aussi vrai qu'un baiser est chaud dans l'air glacé et que la terre est ronde. L'amour ne craint rien quand son ange gardien est Saint-Valentin. Et c'est une valse que je vous propose maintenant. Quoi de mieux qu'une valse pour tomber en amour, comme disent les Canadiens. Et du coup, c'est un Québécois, Georges Hamel, qui écrit en 1977 « La valse des amoureux ». Et qui nous la chante aujourd'hui ? C'est Georges Hamel. C'est la valse des amoureux que l'on danse sous le ciel bleu. C'est si beau et c'est merveilleux. C'est la valse des amoureux. Quand on s'aime et qu'on est heureux, on se dit je t'aime pour deux. Le bonheur n'a plus de frontières, on possède même l'univers. C'est la valse des amoureux que l'on danse sous le ciel bleu. C'est si beau et c'est merveilleux. C'est la valse des amoureux. «

Ah, c'est vraiment la plus belle chanson d'amour. Il est temps de se quitter, Arlette. Au revoir à tous et à bientôt pour d'autres jolies chansons d'amour. Au revoir, Hubert. Au revoir, Arlette. Et à la semaine prochaine, on parlera peut-être d'amour, on ne sait pas. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Nous allons, sans attendre, retrouver un couple qui chante à merveille une très belle chanson. C'est pas parce que je l'ai écrite, hein, mais c'est une belle chanson et surtout elle est bien interprétée par Gilles et Virginie. Ça s'appelle « Des milliers de pages ». Je vous laisse apprécier. C'est une jeune fille au regard qui brille, une demoiselle qui a un cœur comme une fleur, qui voudrait qu'on l'accueille. Cet amour qu'elle maquille en amitié facile lui donne des ailes. Elle attend l'heure du mot bonheur qui vient en un clin d'œil. Mais en attendant qu'il comprenne qu'elle l'aime vraiment, elle rassemble des mots de plus en plus beaux. Elle aime tellement qu'elle en rêve, elle rêve tellement qu'il aime. Elle aime ses rêves tellement ils sont rêves. Elle écrit des milliers de pages avec des morceaux de son âme. Elle crie sa douleur et sa rage de ne pas le serrer dans ses bras. De ne pas le serrer dans ses bras. Elle est seule le soir, elle joue à se faire croire son corps près du sien. Une vie à deux, à faire l'amour la nuit et puis le jour. Ces histoires défendues qu'elle cherche à corps perdu font vibrer ses mains. Des aventures en écriture, des mots d'aimer demain. Mais en attendant qu'elle l'aime vraiment, elle rassemble des mots de plus en plus beaux. Elle aime tellement qu'elle en rêve, elle rêve tellement qu'il aime. Elle aime ses rêves tellement ils sont rêves. Elle écrit des milliers de pages avec des morceaux. De ne pas le serrer dans ses bras. Elle aime tellement qu'elle en rêve. Elle rêve tellement qu'il aime. Elle aime ses rêves tellement ils sont rêves. Elle écrit des milliers de pages avec les morceaux de son âme. Elle crie sa douleur le serrer dans ses bras. De ne pas le serrer dans ses bras. Sorgia FM. Vous avez aimé cette chanson, je vous laisse en découvrir une deuxième, Ma vie, ma raison. Toujours ce merveilleux couple qui chante extrêmement bien, il faut le dire, Gilles et Virginie, qui nous parlent d'amour. Et si tu n'étais pas là, dans mes jours, dans mes sommeils, si je n'avais pas ta voix, qui m'apporte le soleil, si tes yeux ne m'aimaient pas, rien ne serait plus pareil pour moi. Si je n'avais pas tes mots qui rassurent et qui protègent, la vie n'aurait plus pour moi ce pas. n'avais pas tes ailes pour voler de peur en pire et de stupeur en stupide. Dans ce monde où tout est faux, moi je bâtis mon empire de tes mots. Allez, il est encore temps à de ces réalisables de donner à notre enfant notre amour interminable. Dans ce monde dérangé, cet amour on pourrait bien le partager. Ma vie, ma raison, mon unique amour, ma seule saison. Je te dédie toutes mes oraisons. Toi, mon seul horizon. Maintenant sur Sorgia FM. Et on va danser le Madison avec Jérôme Robert et Gilles Robert qui va chanter ce Madison. Qui parle d'amour évidemment. Thank you. Cette jolie valse signée Vladimir Kosma s'intitule La valse d'Augustine. On retrouve Christophe Pesset. Sorgia FM. Sorgia. Accordéon Nouvelle Vague. Christophe Pesset sur Sorgia FM. Accordéon, deuxième partie, toujours consacrée à Ludovic Beyer et son album Le Bal en Fête. Maintenant, place à la samba. Un morceau, eh bien, justement, de Ludovic Beyer qui s'appelle Ritmo de Janeiro. Place à la samba. Ludovic Beyer, qui réalise également tous ses arrangements, tout l'orchestre que vous entendez derrière, et bien c'est tout lui qui crée de ses petits doigts. D'ailleurs, en parlant d'habileté de ses doigts, et bien place à un morceau de virtuosité qui s'appelle Les doigts s'amusent. On peut le danser même en foxtrot, hein. On y peut y aller. Vas-y Hubert, c'est parti. Thank you. Mais oui, comme je dis chaque semaine, c'est déjà terminé. Il faudrait une émission, je sais pas, d'une matinée, ça serait peut-être pas mal. Faut que j'en parle à Hubert, ouais, faut peut-être que je vois ça. En tout cas, eh bien, on a fini avec Ludovic Beyer pour cette semaine, mais bien sûr, il a tellement d'albums qu'on le réécoutera, j'en suis sûr. Je vous propose de terminer, eh bien, avec un morceau qui s'appelle Rêve de Jockey. On appelle ça un galop. En tout cas, bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, place à Hubert. Merci, à très bientôt. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ludan. On écoute cette déclaration chantée ici par Jennifer et puis on se dira juste après au revoir très très vite. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous, deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrai jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Ma déclaration. Il est temps de se dire au revoir. Je vous retrouve bien entendu avec le plus grand des plaisirs dès la semaine prochaine, même heure, même station. Au revoir à toutes et à tous. D'ici là, passez une très bonne semaine. Je vous embrasse. Ciao, bye bye. Sorgia FM.